j'en suis sûre. Pleurer, pleurer sous la pluie. Chanter, chanter à minuit. Courir, courir dans les blés. S'ouvrir, s'ouvrir de t'aimer. Vouloir, vouloir t'oublier. Un soir. Je t'aime, j'en suis sûre.